l'instant même, on s'entretient avec Raymond Poirier. On va parler d'art numérique. Raymond, qui est notre nouveau chroniqueur. Il a commencé la semaine dernière, mais qui est un habitué de CKRL. Raymond, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Excellent. Et en plus, aujourd'hui, un sujet tout à fait estival. Je suis partie à rire quand j'ai vu le sujet. Les émoticônes. En fait, ça, il semble que c'est les emojis qu'il faut dire. Les emojis, c'est en anglais, émoticônes en français ou en québécois. Ouais, ouais. Ça vient en fait du japonais, donc « et » qui désigne une image et « emoji » qui désigne une lettre. Alors, une image, une lettre. Et essentiellement, en fait, pour ceux qui utilisent les téléphones, ben, on en est inondé. Même Facebook qui les a introduits pour accompagner ces j'aime, du moins qui en a introduit quelques-uns. Et ben, tranquillement, c'est venu remplacer ces images-là, le slang Internet, si on me permet le terme, qui s'était développé dans les premières heures avec les LOL, les WT et autres. Ouais, je suis peut-être un peu trop dinosaure pour ces slangs-là, mais les émoticônes, c'est facile, c'est international. On comprend vite le système. En fait, le slang, en plus, il fallait le connaître, il fallait le décoder. À part LOL, là, il y en avait quelques-uns. Les émoticônes sont peut-être un peu plus disponibles, un peu plus faciles d'usage. Alors, effectivement, leur usage a été répandu de manière très, très large. Ces dernières années, tout particulièrement, si on regarde les tendances depuis 2011, c'est véritablement une explosion. Il faut dire qu'en 2011, Android et Apple ont ajouté les émoticônes à leur offre téléphonique, une offre qui s'est élargie depuis. Mais c'est pas un phénomène qui date des années récentes. Ça faut remonter un peu plus loin pour trouver la naissance, on peut dire, des émoticônes. Ouais, curieuse. Enfin, on pourrait parler de 1900. En fait, la naissance, mais c'est celle qui a pas marché, si on peut dire, c'est 1982. Donc, quand même, pas rien. Ouais, quand même. C'est dans un chercheur de l'Université Carnegie Mellon en sciences informatiques qui échangeait sur une version rudimentaire de ce qui sont aujourd'hui les forums avec ses étudiants. Et les gens faisaient des blagues, échangeaient. Et ils se sont rendus compte que c'était difficile de décoder des blagues et du sarcasme avec le texte, avec les mots. Alors, il a décidé de faire un texte sur ce forum-là où il a expliqué que si quelqu'un versait dans le sarcasme, certains n'allaient pas le comprendre, il y avait parfois un risque de perte du message initial. Alors, il a dit, le 19 septembre 1982, et je cite, « Je propose que l'on signale les plaisanteries par cette suite de caractères, donc le sourire, quand c'est plus léger, quand c'est pas une plaisanterie, ben on y va avec le sourire inversé. » Donc, donc ça, c'est ce qu'il avait proposé à l'époque. Donc, déjà, on avait identifié peut-être un petit défi dans les échanges purement basés sur le texte. Et ça remonte à 82, rappelez-vous, là, pour les plus vieux d'entre nous, là, l'ordinateur, on l'avait pas tous chez soi, là. C'était très rare. Mais cela dit, l'autre création, si on veut dire la seconde et la véritable création des émoticônes qui a mené à l'explosion actuelle et qui a mené à la création de la base d'émoticônes qu'on utilise aujourd'hui, c'est au Japon que ça s'est fait. En fait, c'est en 1998-1999. Donc, Shigetaka Kurita, qui a eu l'idée de réinventer complètement justement le langage web. Essentiellement, lui est inspiré de la météo. Il disait, il me semble que c'est clair, tout le monde à travers le monde sait qu'un nuage, c'est des nuages, qu'un soleil, c'est un ciel ensoleillé. Alors, pourquoi pas sur les émotions pour accompagner les textes, parce que lui aussi avait identifié le même défi qui avait été identifié en 1982 par Feynman. Alors, lui a décidé de s'inspirer de ce qui existait déjà. Donc, on en utilise dans des mangas, des émoticônes de ce type-là, donc pour déterminer certains types d'émotions de manière claire. En fait, il y a des codes plus universels, les panneaux routiers aussi, évidemment. Donc, il y a été chercher un peu ces éléments-là, il a trouvé une manière de reproduire des icônes existantes sur le clavier ou à tout le moins avec des pixels, donc les visages sourires qu'on utilise aujourd'hui. Il a fait un premier jeu avec son équipe de 176 émoticônes qui a rendu disponible et éventuellement ces émoticônes-là ont été utilisés, mais ça a pris un certain temps parce que entre mettons 2000-2005, selon la compagnie, selon le service qu'on utilisait, il y avait différents jeux d'émoticônes qui n'étaient pas compatibles les uns avec les autres. Et donc, c'est en 2005 que les grands propriétaires, si on peut dire, se sont entendus pour que ce soit le même jeu, pour que l'émoticône qu'on envoie sur un service apparaisse dans l'autre service. Et comme je le disais tantôt, c'est en 2011 qu'on a vu la grande explosion. Bon, on utilise l'émoticône pour signifier maintenant quoi là? On veut signifier qu'on est heureux, dire bonjour. Comment ça s'est développé tout ça? En fait, c'est rendu excessivement large. De manière générale, faut pratiquement aller dans une perspective régionale pour voir de quelle manière les gens vont l'utiliser. Évidemment, comme je le disais, ça remplace, on peut dire, le slang internet. Donc, ça précise la pensée, ça donne un ton à la pensée. Donc, c'est d'ailleurs les émoticônes de visage sont ceux de manière générale les plus utilisés. Donc, que ce soit la petite grimace, le sourire, le petit sifflement, les bisous. Donc, de manière générale, enfin, on peut se dire que selon les services, les émoticônes sont utilisés largement ou moins largement. Par exemple, sur Instagram, c'est pratiquement quoi le quart ou la moitié des messages qui comportent un émoticône. C'est pour les visuels, Instagram, ça prend ça. Un petit peu moins sur Facebook, par exemple, en texto, évidemment, là, c'est presque omniprésent. Selon les pays, par exemple, en France, on va utiliser le cœur, c'est celui qui est le plus utilisé. Sur Instagram, celui qui est le plus utilisé, c'est le remplaçant du LOL, dans le fond, donc le personnage qui rit aux larmes, finalement, donc j'imagine en réaction aux images. On parle au Canada des armes, de l'argent, du sport qui sont les plus utilisés. Des Australiens, eux, c'est l'alcool et la drogue. Donc, selon les pays, évidemment, il y a des particularités et chaque émoticône a un peu son interprétation, mais peut être utilisé dans un contexte sarcastique, dans un contexte de séries, etc., etc. Donc, il y a quand même... Il va y avoir des spécialités qui vont se développer, des sociologues qui vont étudier les émoticônes pour étudier la population. Oui, mais en fait, c'est intéressant que tu amènes la question, Caroline, parce que ça cause déjà problème. Dans la mesure où... en fait, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Est-ce qu'il y a une entente globale sur la valeur émotive d'un émoticône? Et est-ce que cette valeur émotive-là qu'on lui accorde a une valeur juridique? La grosse question là quand même. Parce que dans le fond, plusieurs spécialistes disent, regardez en cours de droit, quand il y a un haussement d'épaule, langage non verbal, il y a quand même une analyse qui est faite du langage non verbal, et on peut s'imaginer que les émoticônes, mais c'est le langage non verbal du texte. Alors, il y a des gens qui ont déjà commencé à essayer. Oh, Seigneur! Évidemment, il y a toujours deux pans quand on parle d'éléments juridiques parce que ça dépend des causes qui sont présentées. Donc, le droit s'écrit au rythme des causes. Pour l'instant, les causes qui ont été présentées étaient peut-être des cas un peu plus extrêmes. Donc, ce qui fait que l'aspect juridique de l'émoticône, pour l'instant, n'a pas encore été reconnu. Donc, il n'y a pas valeur de droit, mais dans les cas où c'était présenté, c'était des cas de viol, c'était des cas d'agression sexuelle, où, par exemple, la personne disait, oui, mais à un moment donné, elle m'a fait un émoticône clin d'œil, j'ai pris ça pour une avance. Ben, voyons donc. C'est peut-être pas nécessairement, comme le juge a dit, c'est ouais, il n'y a pas d'émoticônes qui sont une invitation au viol. Et parallèlement, il y en a d'autres qui, justement, dans des contextes de conversation, lui faisait des menaces assez intenses, si on peut dire, à son ex-conjointe, mais l'accompagnait d'émoticônes, sourire, clin d'œil et le reste. Il disait, mais regardez, je faisais du sarcasme. Pour preuve, je mettais des émoticônes, mais le juge a dit, regardez, la portée de ce que vous écrivez, indépendamment de ce qui l'accompagne, la portée est déjà très grande. Alors, il y aura certainement des cas, ça va rebondir dans les tribunaux à un moment donné ou l'autre, ça va continuer. Ça va rebondir. Ouais. Et les gens déjà ont été quand même réceptifs à la préoccupation, si on peut dire, liée aux émoticônes, dans la mesure où on a une idée de la valeur ajoutée, mais quand, et c'est Instagram à un moment donné qui a fait une étude qui a essayé de définir un peu l'utilisation des émoticônes dans le contexte de ces publications, on disait c'est quand même le plus utilisé, et ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal de possibilités, si on peut dire, de définition, si on faisait simplement les rapprochements au slang internet l'époque. Par exemple, le bonhomme sourire qui est le plus utilisé sur Instagram, qui rit aux larmes. Donc, il disait, ça peut vouloir dire le LOL, LMAO, LOLOLOL, LOLS, AA, et le reste, en fait, plusieurs déclinaisons. Donc, il y a quand même une variété dans l'intensité. Et finalement, pour se rendre compte que oui, il y a, une constance, si on peut dire, dans l'utilisation de ces icônes-là, mais cette constance-là n'est pas encore assise, elle est simplement perçue. Et donc, tant que la perception n'est pas assise, il n'y a pas de... Il y a pas de code sur lequel la justice ou éventuellement d'autres utilisateurs vont pouvoir s'asseoir pour dire, ben techniquement ça veut dire ça. Il y a toujours une évaluation dans le contexte, dans ce qu'on connaît de la personne. C'est peut-être aussi pour ça que les émoticônes sont peu utilisés dans un contexte juridique, dans un contexte officiel, parce que il y a trop de place à l'interprétation dans ce langage-là, dans cette extension du langage. Très ludique. Et ben dans le fond, il y a depuis quelques années l'Unicode Consortium, qui est un groupe d'experts en linguistique et en technologie, qui œuvre justement à la standardisation des émoticônes. En 93, ils ont commencé à former des listes officielles. Il y en avait 76 symboles à l'époque, donc ils compilent ce qui existe. Aujourd'hui, ils en sont à 1281. Et ben, tranquillement, dans le fond, les grands fournisseurs comme Apple introduisent des nouveaux émoticônes après leur bénédiction par le consortium. Donc, les 484 auxquels on a accès sur nos téléphones Apple, ben, sont des émoticônes qui ont été reconnus, qui ont été catégorisés, qui ont été analysés à quelque part par ce consortium-là. C'est sérieux, là. C'est sérieux. Et en mai dernier, ben, le groupe a débattu de l'intégration des nouveaux symboles pour voir si leur usage est assez répandu, est assez clair à cette liste de 184 émoticônes officiels. Les questions, par exemple, d'un émoticône selfie, d'un avocat, le fruit, le légume, d'un haussement d'épaule et le reste. Et parallèlement, ben, Unicode, pour préciser la chose, donne aussi un nom à chaque émoticône. Donc, il y a le visage qui pleure de joie, le visage qui savoure des mets délicieux. Donc, c'est un début de définition officielle. Et en parallèle, l'an dernier, il y a une étude aussi qui a commencé à compiler des tweets, qui a compilé des publications associées à différents émoticônes en 13 langues pour essayer de voir si le contexte sentimental au sein duquel les centaines d'émoticônes se manifestent le plus couramment, ben, est courant et constant, et qu'effectivement, on peut prendre la définition qu'a offerte le Unicode Consortium de ces 184-là et dire, ben, voici, c'est effectivement en fonction des analyses, en fonction de la recherche, ça devient effectivement un véritable dictionnaire, un véritable classement qui pourrait éventuellement avoir une portée juridique. On verra. C'est peut-être que nos enfants vont étudier les émoticônes à l'école. Ce sera une division du français. Ou en attendant, on écoute l'émission Like Moi où on fait une belle parodie de tous ces émoticônes-là. Je ne sais pas si t'as écouté l'émission, là, mais bon, on en fait une belle parodie. Et c'était fascinant à quel point c'est sérieux. Je pourrais pas envoyer tout des émoticônes. Je pourrais pas envoyer des émoticônes de la même façon. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir.